The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Once upon a time. Il était une fois. Woodcutter. Le bûcheron. Grandmother. La mère grand. Little Red Riding Hood. Le petit chaperon rouge. With might and main. De toute sa force. To knock. Heurter. To counterfeit. Contrefaire. To pounce on. Se jeter sur. In next to no time. En moins de rien. Horse. Grosse. To soften. Adoucir. Now, a bit faster. Woodcutter. Le bûcheron. To counterfeit. Contrefaire. Horse. Grosse. Little Red Riding Hood. Le petit chaperon rouge. Horse. Grosse. In next to no time. En moins de rien. To soften. Adoucir. Woodcutter. Le bûcheron. To counterfeit. Contrefaire. To pounce on. Se jeter sur. Once upon a time. Il était une fois. To soften. Adoucir. Horse. Grosse. To counterfeit. Contrefaire. In next to no time. En moins de rien. Once upon a time. Il était une fois. With might and main. De toute sa force. Horse. Grosse. Woodcutter. Le bûcheron. To counterfeit. Contrefaire. Woodcutter. Le bûcheron. Now, use the words in context. Contrefaire. The mafia network that counterfeited luxury products has been exposed. Le réseau mafieux qui contrefaisait ces produits de luxe a été démasqué. Heurter. The athlete unintentionally bumped into a passerby while running. Dans sa course, le sportif heurta sans le vouloir un passant. Grosse. With a horse voice like that, there's no way he'll become a tenor. Avec la grosse voix qu'il a, il ne pourra jamais être ténor.